parler, frérot. On est dans toutes les cités, dans tous les TX, dans toutes les cellules. A-L-O-N-Z-O-Y-L. Ah! C'est Marseille. Nos appels, tu l'as croisé la nuit dernière. Je veux pas savoir si c'est ton frère. Il doit des lots. Donne-nous-le, donne-nous-le, donne-nous-le. Y'a embrouillé, il est jamais là. On a capté son regard mielleux. Donne-nous-le, donne-nous-le, donne-nous-le. Guess, Rolex, Rose, Day, petite folle, tu me dois des lots. Donne-nous-le, donne-nous-le, donne-nous-le. Y'a embrouillé, il est jamais là. On a capté son regard mielleux. Nos appels, tu l'as croisé la nuit dernière. Je veux pas savoir si c'est ton frère.